Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens. Le climat a une histoire, les scientifiques s'y intéressent depuis longtemps. Mais ce n'est que dans les années 70 que les chercheurs ont commencé à comprendre que les activités humaines avaient une grande part de responsabilité sur le changement que l'on connaît aujourd'hui. La glace des pôles, les cernes des arbres ou les dates des vendanges aident les climatologues à comprendre les climats du passé. C'est ce que fait Valérie Masson-Delmotte. Avec une précision de détective, elle sait repérer les coups de chaud et les coups de froid de la Terre ou comprendre la hauteur des océans à travers les âges. Valérie Masson-Delmotte est responsable d'une équipe de recherche au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Elle a vécu de l'intérieur la quasi-totalité de l'histoire du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Elle est coprésidente d'un groupe du GIEC. Vous allez découvrir pour commencer que le changement climatique n'est pas une nouveauté. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Les premières traces historiques d'une réflexion sur le changement du climat remontent à l'Antiquité. On peut par exemple faire référence aux mesures qui étaient faites dans l'Égypte ancienne sur la variabilité des crues du Nil. Ces crues du Nil étaient mesurées sur des marches d'escalier graduées. Les crues du Nil étaient vitales pour la production agricole, pour les recettes fiscales d'un des premiers États centralisés. Donc c'était quelque chose de stratégique. Et on a plusieurs milliers d'années d'enregistrement de la variabilité des crues du Nil, qui représente l'enregistrement historique le plus important de la variabilité du climat. Et si on reprend l'histoire du mot « climat », qui veut dire « inclinaison », l'inclinaison des rayons du soleil par rapport à la surface de la Terre, en grec ancien, on peut faire référence aux propos qu'on rapporte à Aristote dans les météorologiques, qui dit « de même que chaque année on passe de l'hiver à l'été, sur une longue période de temps, on a une période très longue de fortes précipitations ou de sécheresses plus importantes. Et comparé à notre propre existence, ces phénomènes passent inaperçus et des nations entières périssent ou sont détruites. » En fait, dans les derniers siècles, il y avait eu aussi la prise de conscience que les actions humaines, par exemple par la déforestation, conduisaient à une modification des conditions climatiques locales ou régionales. Donc on le voit à l'époque de Louis XIV, on le voit jusqu'au XIXe siècle avec de nombreuses sources historiques qui montrent une réflexion sur l'influence cette fois-ci, non pas d'une variabilité naturelle, mais des activités humaines locales sur, par exemple, le risque d'inondation lorsqu'on a fait une déforestation importante. Alors, le lien entre la consommation d'énergie fossile, leur combustion, le rejet de dioxyde de carbone, le gaz carbonique dans l'atmosphère et le climat, ces liens ont été établis à partir du XIXe siècle, à partir de la compréhension de la physique des échanges de rayonnement dans l'atmosphère. On peut faire référence par exemple au français Joseph Fourier, donc, qui avait mis en évidence que l'atmosphère elle est transparente pour le rayonnement solaire, mais que dans certaines longueurs d'onde qui ne sont pas visibles avec nos yeux, donc pour le rayonnement infrarouge, on a un certain nombre de substances qui vont piéger ce rayonnement infrarouge et donc garder la chaleur à la surface de la Terre. On a également un Suédois qui s'appelle Svante Arrhenius, qui a fait aussi des calculs qu'il appelait des calculs ennuyeux à l'époque, à la fin du XIXe siècle. Il avait imaginé qu'on brûle toutes les réserves connues de charbon. Il avait calculé quelles seraient les conséquences d'un tel rejet de gaz à effet de serre sur la température à la surface de la Terre. Alors sa grande inquiétude, lui, c'était la survenue d'une prochaine glaciation. Et donc il voulait calculer si le fait de brûler des réserves fossiles pourrait finalement empêcher une telle glaciation de se produire. Alors ces calculs ont été faux, ça a été montré par la suite, mais l'intuition était là. L'effet de serre était donc connu au XIXe siècle. Alors l'effet de serre, c'est une physique classique, bien établie depuis le XIXe siècle. C'est quelque chose qui nous permet aussi de comprendre le climat de différentes planètes dans le système solaire. Le climat d'une planète dépend de la quantité d'énergie solaire qui est interceptée, donc la distance au Soleil, et puis de la composition de l'atmosphère. Si vous avez beaucoup de gaz à effet de serre, vous allez avoir un climat très chaud. Et si vous avez une atmosphère vide de gaz à effet de serre, à la même distance du Soleil, vous allez avoir un climat très froid. Et puis dans les années 30, les données météo montrent déjà une tendance au réchauffement. Oui, on voit dans les années 1930 des publications, en particulier britanniques, de chercheurs qui compilaient l'ensemble des enregistrements météorologiques, donc à la surface des continents, et aussi les mesures de température à la surface des mers, collectées en particulier par les flottes britanniques. Et donc, ils commençaient à montrer qu'il y avait, entre le milieu du 19e siècle et les années 1930, une tendance au réchauffement particulièrement forte d'ailleurs du côté de l'Arctique à ce moment-là. Alors entre 1957 et 1958, il y a eu un effort majeur d'observation de la Terre dans le cadre de l'année géophysique internationale. C'est par exemple le début des stations de mesure en Antarctique, des stations météorologiques, et c'est aussi le début à Hawaï de la mise en place du suivi de la composition de l'atmosphère et en particulier les mesures de la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et très vite, Charles Keeling, un chercheur américain, rapporte le fait que la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère augmente année après année. 2 janvier 1959. La température moyenne du pôle sud s'est élevée de 5 degrés en 50 ans. Rapport sur l'année géophysique internationale. Et le réchauffement du Spitzberg est deux fois plus fort. À vrai dire, nous savions bien que nous étions dans une époque de réchauffement. Cela s'enseigne même dans les écoles, ce n'est pas nouveau. La fonte des glaces le long de la côte antarctique provoque une diminution rapide de la salinité de l'eau et il n'y a pas lieu de s'effrayer particulièrement. Sans doute ce réchauffement, et c'est ce qu'on explique beaucoup, peut-être pour faire un peu peur au public, ce réchauffement peut provoquer par la fusion des glaces une montée des océans, du niveau des océans. L'histoire de la Terre a connu déjà bien des régressions et des transgressions marines. Il n'y a pas lieu d'épouvanter les populations côtières en leur disant de se retirer parce que l'océan va monter. Et selon un savant américain, le professeur Elton Quinn, le réchauffement serait dû à l'accroissement de gaz carbonique déversé dans l'atmosphère par nos fourneaux, nos poêles et nos automobiles. Situation qu'il qualifie d'entièrement nouvelle dans l'histoire de la planète. Je veux bien le croire, ce matelas carbonique laisse passer les rayons solaires mais s'oppose à la sortie des calories emmagasinées sur la planète. De là à s'épouvanter, je crois qu'il y a encore le temps de réfléchir. Bon, alors nous ne dirons pas après nous le déluge. Alors, c'est évidemment logique que si on brûle des énergies fossiles, la combustion du charbon, du pétrole, du gaz consomme de l'oxygène et rejette du dioxyde de carbone. Mais le fait de montrer une influence sur la composition à l'échelle planétaire, c'est quelque chose qui était surprenant à l'époque. Et ça enclenche des réflexions multiples sur la manière dont les activités humaines font varier la composition de l'atmosphère, mais aussi sur la manière dont les océans, les sols, la végétation et interagissent en stockant ou en relarguant du dioxyde de carbone, donc vraiment les bases de la compréhension du cycle du carbone planétaire. Et puis ça stimule également beaucoup de travaux pour comprendre quelles pourraient être les conséquences par la suite de cette perturbation de la composition atmosphérique. À partir des données mesurées à Hawaï, on se rend compte que la teneur en dioxyde de carbone, c'est pas quelque chose qui est stable dans l'atmosphère. Ça fluctue par exemple avec les saisons, parce que on a pendant la saison les plantes augmentent leur matière organique, leurs feuilles, etc., on voit qu'on retire du dioxyde de carbone dans l'atmosphère par la photosynthèse. Et à l'inverse, en hiver, quand les plantes sont peu actives, on a la respiration des sols qui va relarguer du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ça, c'est quelque chose qui est relativement visible. Ce qui est moins visible, c'est la partie marine. Et donc se met aussi en place l'idée d'observer ce que devient le dioxyde de carbone quand il rentre dans les océans. On sait aujourd'hui que nos rejets de dioxyde de carbone participent à l'acidification des océans, mais c'est à partir de ces premières intuitions dans les années 1950 que les océanographes ont commencé à mettre en place un réseau de mesures qui est aujourd'hui essentiel pour comprendre comment les océans, la chimie des océans est perturbée aussi par les rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors on commence à faire le lien entre rejet de dioxyde de carbone et réchauffement climatique, mais à partir de quand les scientifiques commencent vraiment à s'inquiéter ? Les premières intuitions, elles remontent aux années 1970, et en particulier par la communauté des physiciens qui commence à appliquer à l'étude du climat des modèles numériques, donc des codes de calcul, qui ont au départ été produits pour prévoir le temps qu'il fait. Les modèles, les premiers modèles de représentation de l'atmosphère planétaire, dès qu'on a eu la puissance de calcul suffisante, à partir des années 70, ont été utilisés pour simuler ce qui se passerait si la concentration en dioxyde de carbone continuait à augmenter à l'avenir. Alors, ce qu'ils ont compris, c'est que ça entraînerait un réchauffement. Ils ont également compris qu'il y aurait des mécanismes de rétroaction liés au climat. Le climat, en fait, si on le perturbe, il va créer une contre-réaction par rapport à cette perturbation. Par exemple, si vous rajoutez du dioxyde de carbone, vous allez piéger de la chaleur. Si vous piégez de la chaleur, l'atmosphère sera plus chaude. Si elle est plus chaude, elle va contenir plus de vapeur d'eau. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Donc on va ajouter un effet supplémentaire. Si vous réchauffez le climat, vous allez faire fondre la neige, la banquise, et vous allez donc perdre l'effet miroir de ces surfaces blanches. Et quand cet effet est perdu, vous réchauffez encore plus la surface. Donc ça, c'était quelque chose de bien compris dès les années 1970. Et les chercheurs avaient aussi mis le doigt sur plusieurs points de blocage. Comment les nuages allaient interagir avec ça? Puisque certains nuages vont avoir un effet de serre réchauffant, mais d'autres nuages, comme les nuages opaques d'orage, vont plutôt avoir un effet refroidissant sur la surface. Et donc, cette question-là avait été mise en évidence dès les années 70. Et à l'époque, les outils de modélisation, c'était surtout l'atmosphère, mais l'océan était représenté comme une grande flaque. Ils avaient aussi souligné l'importance de mieux représenter l'océan et les interactions entre l'océan et l'atmosphère pour bien comprendre l'évolution du climat global. Quand on fait des modèles de climat, on étudie aussi les climats du passé pour voir si les modèles fonctionnent. Oui, alors ces modèles de climat, ils sont basés sur des lois physiques, mais ils sont aussi testés, mis au point par rapport au climat actuel. Et donc, il y a aussi très vite l'idée de les utiliser pour comprendre les grands changements passés, mais aussi d'utiliser les grands changements passés pour vérifier si ces modèles font un travail décent pour représenter des situations très différentes. Et donc, très rapidement, toujours dans les années 1970, on a par exemple des simulations de ce qui se passe quand l'orbite de la Terre autour du Soleil change dans le passé. Et par exemple, des simulations des phénomènes de mousson plus intenses en Afrique qui ont laissé des vestiges remarquables de traces de lacs fossilisés au Sahara, par exemple. Et donc c'est assez joli parce que ça montre à la fois que ces modèles représentent bien des grands changements passés et ça permet aussi d'expliquer physiquement des phénomènes qui peuvent être troublants quand on observe les gravures rupestres dans les grottes au sud de l'Algérie ou de la Libye qui témoignent d'une activité d'une faune foisonnante, de sociétés humaines qui vivaient de l'élevage dans des zones aujourd'hui désertiques. Ce travail en fait, de physique, de modélisation du climat, permet de comprendre les processus à l'œuvre. Et on a aussi testé ces modèles de climat sur les plus grands changements que sont les périodes glaciaires, donc les phénomènes les plus froids connus. En 1979, il y a eu un rapport de l'Académie des sciences américaines et ce rapport, pour vous, est très important. Alors c'est donc le rapport qu'on appelle le rapport de Charney, et qui, sur la base de la connaissance des climats passés, des observations récentes et des premiers travaux de modélisation, évalue ce qu'on appelle la sensibilité du climat. C'est-à-dire, si on double la concentration en dioxyde de carbone de l'atmosphère, à quelle ampleur de réchauffement doit s'attendre à la surface de la Terre ? Et il conclut à une certaine plage de valeur entre 1,5 et 4,5 degrés, avec une valeur la plus probable autour de 3 degrés. Et les travaux les plus récents sont toujours sur cette plage et sur cette meilleure estimation. Moi, je dirais que c'est un rapport qui a donné beaucoup plus de visibilité à cette question dans une communauté scientifique plus large et surtout qui a mis cet enjeu sur la scène politique. Flavien Berger interprète Brutalisme sur France Inter. Un peu plus de minutes avant jamais. Ralenti, ralenti, on est trop près. Dernier mot sur la plage d'Acapulco. Tous les deux sous le même kimono. Un peu plus de minutes avant l'avion. D'où tu verras les lignes et les rayons. Sur le sable, tu sécheras. te rejoins le mois prochain. Je vais t'aimer l'éternité. Un peu plus de minutes avant l'après. Au matin, j'ai le visage griffé. T'as zoomé dans mes plaies une fois encore. Tu vois mon épiderme, c'est la vallée de la mort. Pour comprendre et imaginer le climat du futur, il est indispensable de comprendre les climats du passé. Les scientifiques comme Valérie Masson-Delmotte ont aujourd'hui à leur disposition de très nombreux paramètres. Tout à l'heure, on a expliqué à quel point c'était important de pouvoir mesurer directement dans l'atmosphère la concentration en dioxyde de carbone. Mais c'est quand même très frustrant que l'enregistrement le plus long dont on dispose, il remonte seulement à 1957. À Hawaï. Et donc, une révolution, ça a été de pouvoir connaître l'histoire de la composition de l'atmosphère à travers le piégeage de cette atmosphère passée dans les bulles d'air des glaces de l'Antarctique. Alors, il y a eu en fait plusieurs scientifiques, en particulier européens et américains, qui ont cherché à extraire des carottes de glace à partir des années 1960-1970. Claude Lorius a été le premier Français à le faire. Et il a été un des premiers à avoir l'idée d'analyser les bulles d'air piégées dans la glace. Parce que les autres indices qu'on en tire sont des indices sur le climat local. Mais la composition atmosphérique, c'est une information qui a une vocation planétaire. Parce que les gaz à effet de serre sont bien mélangés dans l'atmosphère. Et donc cette composition, cette teneur en gaz à effet de serre qu'on extrait des carottes de glace, elle permet d'avoir un indicateur essentiel du fonctionnement et de l'état du climat planétaire. 19 février 2012, le glaciologue Claude Lorius raconte ses souvenirs sur France Inter. Pour accéder depuis le bord de la mer sur la calotte glaciaire qui est à 3000 mètres d'altitude, on remonte à travers des glaciers, il y a des crevasses et ainsi de suite. Bon, on a un peu la trouille des fois, quoi. On a découvert qu'on pouvait reconstruire les températures du passé en analysant la glace. Et c'est en faisant des petits carottages dans la côte, effectivement, qu'un soir, on a retiré un morceau de glace qui venait d'une centaine de mètres de profondeur. Normalement, j'aurais pas dû faire ça, mais le whisky était un peu chaud dans la caravane, donc on a mis des glaçons là-dedans et on a vu des bulles sortir. Et alors la question, c'était, mais qu'est-ce que c'est que ces bulles, d'où elles viennent ? Alors, il a fallu des années pour montrer que ces bulles, c'était des témoins de l'atmosphère du passé. On a maintenant 800 000 ans d'archives de cette composition atmosphérique dans les glaces du forage d'Omsé, dans le secteur franco-italien de l'Antarctique. Il va jusqu'à quelle profondeur ? On est jusqu'à 3200 mètres de profondeur. Et cet enregistrement montre bien sûr qu'on a une succession de périodes glaciaires relativement longues et de périodes douces. Il montre aussi qu'on a un fort parallélisme entre la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère et l'évolution de la température en Antarctique, ce qui témoigne d'un couplage intime entre l'état du climat et le cycle du carbone. Donc à cette échelle de temps-là, la cause des variations, c'est l'orbite de la Terre autour du Soleil, qui change à l'échelle de plusieurs milliers d'années. Donc l'axe d'inclinaison de la Terre, la position de la Terre sur son orbite, et le fait que l'orbite soit plus ou moins circulaire ou plus ou moins aplatie. Ça modifie la répartition de l'énergie solaire à la surface de la Terre. C'est aussi un joli exemple du lien entre la théorie et les observations. Un mathématicien serbe, Milutin Milanković, avait formulé dans les années 1940 une théorie astronomique des climats passés, les paléoclimats. Et cette théorie finalement a été vérifiée expérimentalement grâce à l'étude des sédiments marins dans les années 1970 et grâce à l'étude des glaces antarctiques dès les années 1980. On remonte aujourd'hui à 800 000 ans. Quel était le climat de la Terre il y a 800 000 ans ? Alors, il y a 800 000 ans, on avait une phase chaude relativement brève, et puis elle a assez rapidement donné lieu à une période glaciaire relativement longue. Donc, les glaciations, elles vont durer typiquement 80 ou 100 000 ans, et les périodes glaciaires, elles vont durer, les périodes douces, pardon, vont durer typiquement 10 000 ou 30 000 ans. Et le moteur de ces successions tient aux caractéristiques de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Mais très rapidement, on va avoir des mécanismes amplificateurs qui se mettent en place et qui tiennent à l'extension des zones enneigées, englacées et aux variations naturelles de l'effet de serre. Valérie Masson-Delmotte, il n'y a pas que dans les glaces que l'on retrouve des traces du climat du passé. Il faut bien voir ce travail comme un travail un peu de détective pour tirer parti de tous les vestiges que les variations passées du climat laissent dans tous les milieux naturels, en mer comme à terre. Et donc, chaque enregistrement, chaque forage, c'est comme une pièce de puzzle. Alors on va aller au fond des grottes et on va exploiter les stalagmites, on va exploiter les sédiments des lacs, on va aller chercher des informations dans les lagunes, on va forer dans les lagunes côtières, où on peut trouver les vestiges des tempêtes passées. On va aller exploiter les signaux très détaillés qu'on va trouver dans des coraux fossiles ou des coraux récents. Sur les continents, on va utiliser les enregistreurs à très haute résolution, comme les arbres qui vont chaque année produire un cerne. Et donc l'analyse de ce cerne, sa épaisseur, sa densité, le rapport des molécules lourdes et légères de la cellulose vont nous apporter des indices extrêmement précieux sur les saisons de croissance du bois. On va exploiter toutes les sources historiques, donc les récits des explorateurs, le temps de trajet des bateaux d'un continent à l'autre. Tous les indices historiques, par exemple les dates des vendanges en France, les dates de floraison des cerisiers au Japon, les dates d'extension de la glace sur les lacs en Chine. Et donc c'est cet ensemble d'indices qui permet petit à petit d'avoir une masse d'informations essentielles pour connaître cette variabilité passée du climat. Et on va ainsi construire d'immenses bases de données qui vont nous permettre de connaître l'évolution passée du climat depuis le fond des océans jusqu'en haut des montagnes en fonction du temps. Et donc ce sont des connaissances qui se sont accumulées depuis, je dirais, les années 1960 avec des vraies révolutions depuis une vingtaine d'années pour être capable d'avoir cette approche vraiment à l'échelle planétaire. Et par exemple, aujourd'hui, on a des informations région par région sur les derniers 2000 ans, sur l'évolution de la température à la surface de la Terre, quasiment à l'année près. On a des informations qui sont bien sûr moins précises sur typiquement les derniers 100 000 ans, mais on a une information qui est vraiment à l'échelle planétaire. Et puis ensuite, on a des informations qui vont être plus ponctuelles sur certaines périodes parce qu'on aura mis un effort particulier, parce qu'il y a une motivation spécifique. On va par exemple mettre aujourd'hui pas mal d'accent sur les périodes plus chaudes qu'aujourd'hui, pour arriver à comprendre, par exemple, le lien entre la montée du niveau des mers et le niveau de certains épisodes chauds passés, pour mieux comprendre la réponse, en particulier du Groenland, de l'Antarctique, à un réchauffement de quelques degrés. Dans les années 70, on s'est rendu compte d'une diminution de l'épaisseur de la couche d'ozone de la haute atmosphère en Antarctique, avec une perception d'un danger immédiat, parce que cette couche d'ozone, elle n'agit que indirectement sur le climat, mais elle permet de filtrer des rayonnements dangereux du soleil, les rayonnements ultraviolets, qui sont dangereux pour notre peau, pour notre vue et pour les milieux naturels également. 11 août 1986, la couche d'ozone décrite par Nicole Minard, ingénieure à l'ONERA. Donc c'est une gigantesque couverture qui entoure la Terre. Voilà, c'est une enveloppe. Et qui est épaisse comment à peu près ? Grossièrement, ça s'étend entre 15 et 40 km d'altitude. Oui. L'épaisseur n'est pas constante, stable, partout autour de la Terre. L'épaisseur varie de façon naturelle, d'abord avec la latitude, avec la saison, avec l'activité volcanique ou avec l'activité solaire. On a donc des fluctuations à court terme, des fluctuations à long terme. Donc il y aurait un trou ? C'est vrai, il y a un trou ? Eh bien, elle varie aussi à cause des activités humaines. On peut, on peut détruire l'ozone. En particulier, on a beaucoup parlé de l'émission des produits chlorofluorés. Et on peut se poser la question, est-ce que l'activité humaine a fini par détruire la couche d'ozone dans cette zone polaire ? Et donc, la prise de conscience de l'atteinte des activités humaines spécifiques, donc les gaz chlorofluorocarbures utilisés dans les bombes aérosols ou dans les réfrigérateurs, les conséquences sur l'environnement à échelle planétaire et les risques pour la santé publique ont donné lieu à une prise de conscience importante dans le cadre en fait, du protocole de Montréal, avec une réaction très rapide des gouvernements, des individus, pour bannir l'utilisation et la production de ces substances qui détruisaient la couche d'ozone. Et c'est un exemple important parce que c'est un exemple associé à une réussite. Puisque cette interdiction a été relativement respectée et qu'on commence à discerner aujourd'hui les premiers indices d'une récupération de la couche d'ozone de la haute atmosphère. Pour le climat, l'enjeu reste majeur parce que malgré les prises de conscience, malgré les connaissances scientifiques, on n'est pas à ce niveau de réussite. Le climat continue à se réchauffer et nous continuons à rejeter collectivement, massivement, davantage de gaz à effet de serre dans l'atmosphère année après année. I wanna turn those blue lights into strobe lights, not blue flashing lights, maybe fairy lights, those blue lights into strobe lights, maybe even fairy lights, not blue flashing lights. Don't you run when you hear the sirens coming. When you hear the sirens coming, you better not run, 'cause the siren's not coming for you. What have you done? You went to school that day. Was a bit late, but it was a Monday. Kept after class for answering back. You apologized, any harm in that? What have you done? There's no need to run. If you've done nothing wrong, blue lights should just pass you by. Gun crime into your right ear, drugs and violence into your left. Default white headphones flooding the auditory subconscious waves you accept. You're sitting on the floor back home. Shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Look, blood, I'm sorry, 'cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, 'cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship. Has men like you gonna make me a convict? Level of a felon when I've done nothing wrong. C'était Georgia Smith avec le titre Blue Lights. Les aventuriers sur France Inter. Les rapports du GIEC font régulièrement la une des journaux. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est un organisme ouvert à tous les pays membres de l'ONU. Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, est membre du GIEC. La mise en place du GIEC, elle fait suite à la mise en place du protocole de Montréal sur la couche d'ozone et à une prise de conscience des gouvernements à très haut niveau des risques pour l'environnement planétaire. Donc c'est une initiative du G7 et en particulier, étonnamment, de Ronald Reagan et Margaret Thatcher, donc à la fin des années 80, de mettre en place un groupe intergouvernemental. Donc le GIEC, en fait, a un certain nombre de pays membres, hein, donc les 195 pays membres. Ce sont les délégués de ces pays qui prennent toutes les décisions lors de deux assemblées plénières par an. Et le GIEC élit un bureau de scientifiques, dont je fais aujourd'hui partie, qui a pour mission de coordonner le travail de milliers de scientifiques volontaires pour faire le point sur l'état des connaissances à partir des publications scientifiques, et avec une démarche qui est sans précédent, en fait, en termes de relecture de ces rapports par la communauté scientifique. Le GIEC ne fait pas de recherche. Non, c'est souvent mal compris. On dit parfois les modèles du GIEC. En fait, le GIEC ne fait pas de recherche propre, mais il passe en revue la littérature scientifique, hein, les articles scientifiques qui eux-mêmes ont déjà été relus par d'autres scientifiques. Et en faisant ça, il a un rôle qui est extrêmement intéressant parce que donc, il a des conclusions importantes par rapport à cet état des connaissances. 30 ans après sa mise en place, on peut aussi avoir une vision sur l'évolution des sciences du climat, avec une évolution tous les 5 à 7 ans d'un rapport à l'autre. On peut également souligner que le GIEC permet de faire maturer les sciences du climat, parce qu'en faisant le point sur ce qui est robuste, ce qui résiste à l'examen critique, en identifiant les sources d'incertitude, en formalisant les controverses scientifiques, c'est-à-dire pourquoi différents travaux ont des conclusions parfois différentes. C'est aussi un travail collectif de la communauté scientifique pour identifier les voies de recherche, finalement. Quand le GIEC publie un rapport, il y a consensus. À l'intérieur de chaque chapitre, les auteurs sont collectivement responsables de leur chapitre et des conclusions principales. Ensuite, à partir de cette matière-là, il y a une distillation progressive vers un résumé pour décideurs relativement court, qui est aussi rédigé au consensus des auteurs de ce résumé pour décideurs. Celui-ci donc est pareil, relu à plusieurs reprises par la communauté scientifique et par les experts nommés par les gouvernements. Il est ensuite soumis pour approbation au gouvernement et avec un dernier mot qui est donné aux auteurs du rapport, aux scientifiques. C'est souvent une étape qui est mal comprise. Cette étape de relecture par les gouvernements, elle permet parfois de clarifier certains aspects puisque les chercheurs ont tendance à utiliser un vocabulaire parfois un peu technique. On a aussi des constats scientifiques qui dérangent par rapport à la responsabilité historique de certains pays sur leurs émissions de gaz à effet de serre. Moi, j'ai l'expérience d'une interaction qui était constructive. Par exemple, le fait que le dernier rapport du GIEC ait mis essentiellement des figures qui montraient les observations de changement de température ou d'englacement, c'est quelque chose qui a posé problème aux représentants des pays tropicaux, pour qui les changements de précipitation jouent aussi un rôle extrêmement important. Et donc on avait ajouté cette figure, qui était déjà présente hein, dans les chapitres détaillés, des changements de précipitation, parce qu'évidemment ils sont importants comme un des aspects du climat pour des pays tropicaux. Alors en 1990, le premier rapport du GIEC est publié. Que disait ce rapport ? Alors le premier rapport du GIEC, il montrait qu'il y avait une forte compréhension du rôle des gaz à effet de serre et de la responsabilité des activités humaines dans l'augmentation de la concentration de nos gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce rapport avait été pris très au sérieux et il a d'ailleurs donné lieu très rapidement à la mise en place de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc c'est cette convention cadre qui organise chaque année la conférence de ses parties, les fameuses COP, oui, pour lesquelles on est aujourd'hui, on a déjà passé la COP 23, donc la 23e réunion des membres de cette convention climat. Alors le rapport de 1997, effectivement, il joue un rôle important. C'est le premier qui suggère une influence discernable des activités humaines sur les réchauffements déjà observés. Et ce constat n'a fait que s'affiner au cours du temps. Mais c'est le premier qui montre que le changement climatique, c'est pas quelque chose qui va concerner les générations futures. C'est quelque chose qui est déjà là, influencé non pas par des phénomènes naturels, mais par les conséquences de nos rejets de gaz à effet de serre historiques. Et c'est en 1997 qu'a eu lieu le célèbre sommet de Kyoto. Oui, alors le sommet de Kyoto, c'est un sommet politique et c'est une réponse à ce constat scientifique avec la mise en place d'un protocole qui vise à ce que les pays développés, graduellement, commencent à réduire petit à petit leur rejet de gaz à effet de serre. Donc c'est la première réponse politique avec des engagements pour les pays les plus développés à maîtriser leur rejet de gaz à effet de serre. Alors le groupe de pays qui a accepté des engagements dans le cadre du protocole de Kyoto a effectivement réussi à faire baisser ses rejets de gaz à effet de serre. C'est le cas pour l'Union européenne depuis les années 1990. Et même si les États-Unis n'ont pas signé le protocole de Kyoto, leurs émissions de gaz à effet de serre ont baissé depuis à peu près l'année 2005. Mais entre-temps, ce qui s'est produit, c'est qu'on a eu l'émergence de grands acteurs de l'industrialisation, comme la Chine, qui à l'époque n'était pas concernée par ce protocole de Kyoto. Et donc en termes de négociations internationales sur le climat, tout l'enjeu entre le protocole de Kyoto et l'accord de Paris, ça a été d'avoir un accord qui ne soit pas restreint aux pays les plus développés, mais qui soit un accord à vocation universelle où tous les pays s'engagent à avoir un développement qui soit le plus sobre en carbone possible. Notre maison brûle. 5 septembre 2002, discours de Jacques Chirac à Johannesburg. Et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre de mal développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. 12 octobre 2007. The Norwegian Nobel Committee has decided. Le comité Nobel norvégien a décidé que le prix Nobel de la paix 2007 sera partagé par deux lauréats. Le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat et Al Gore Jr. pour leurs efforts à diffuser la connaissance sur le changement climatique d'origine humaine. Je pense que c'est un prix Nobel important, le prix Nobel de la paix, parce qu'il inscrit l'enjeu du changement climatique comme un enjeu majeur pour la sécurité humaine. Et il fait suite au quatrième rapport du GIEC, donc en 2007, qui, pour moi, a vraiment marqué une évolution sur les impacts du changement climatique. Donc le fait que beaucoup de populations sont exposées aux conséquences du réchauffement climatique et que l'adaptation est un pilier important de la réponse aux risques portés par le changement climatique. La discussion précédente portait plus sur la réduction des rejets de gaz à effet de serre. Et ce rapport en 2007 a montré que, puisqu'une partie du changement climatique est inéluctable, quoi qu'on fasse en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il y a un volet qui est extrêmement important, qui est celui de l'adaptation, c'est-à-dire se préparer pour éventuellement tirer parti des conséquences positives du réchauffement, mais surtout éviter les conséquences les plus négatives, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Et c'est ce que souligne, je pense, ce prix Nobel de la paix. D'un autre côté, il a été attribué à Al Gore et au GIEC. Et aux États-Unis, ce prix Nobel de la paix a peut-être suggéré une approche partisane des sciences du climat, puisqu'elles étaient associées à un homme politique, une personnalité démocrate. Ce qui est, je pense, problématique par rapport à la perception de la science qui, pour moi, n'a pas vocation à être partisane, mais à dépasser les courants politiques. Il y a eu, depuis le début des grandes questions environnementales, une volonté de saper le fondement de la démarche scientifique. Je trouve que sur l'enjeu climatique, on a eu quelque chose qui était peut-être encore plus fort que pour d'autres enjeux, parce que le constat de l'influence de l'homme sur le climat y dérange davantage. Il touche intimement à nos modes de vie, notre confort. Il touche en fait à la manière dont on se déplace, une forme de liberté individuelle, à la manière dont on se nourrit, à la manière dont on se chauffe, à la manière dont on achète des biens matériels, la façon dont ils sont produits. Et donc, ça crée une contre-réaction qui est parfois idéologique par rapport au refus de toute réglementation environnementale ou parfois qui est pour la défense d'intérêts catégoriels, je dirais. En 2010, Claude Allègre, géochimiste, ne croit pas au réchauffement climatique. Ces théories sont une imposture et je pense que ces scientifiques ne sont pas corrects. Alors ce réchauffement, il serait lié à quoi? Les réchauffements, quel réchauffement? Vous avez vu un réchauffement? Il fait de plus en plus froid. Vous avez qu'à le voir. Je pense qu'on ne peut pas prévoir le climat, pas plus qu'on peut prévoir le temps à plus de 5 jours de distance. Vous n'avez qu'à regarder la météo, puis c'est tout. On prévoit le temps à 2 ou 3 jours. Prévoir le climat dans un siècle, c'est une imposture. 29 décembre 2017 sur France Info. Une vague de froid qui a inspiré Donald Trump et il a tweeté. Dans l'Est, cela pourrait être la veille du jour de l'an la plus froide jamais enregistrée. Peut-être qu'on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement climatique que notre pays s'apprêtait à payer des milliards de dollars pour s'en protéger, a écrit le président américain. Vous avez des gens qui nient le fait que le climat se réchauffe. Vous avez des gens qui suggèrent que le réchauffement du climat est dû à des causes naturelles. Mais je ne connais pas de publication scientifique qui le démontre de manière fiable. Donc on a parfois des croyances qui ne sont pas étayées par de la science. Et vous avez des chercheurs, parfois brillants, qui vont montrer les limites de l'état des connaissances, qui vont par exemple s'interroger sur le rôle éventuellement stabilisateur de certains processus nuageux. Et effectivement, dans ce cas, il y a un débat scientifique qui se matérialise par la participation à des colloques, par des publications, par l'analyse de ces publications, parfois leur réfutation, parfois qui stimule des voies de recherche nouvelles. Mais sur quatre points principaux. Le fait que nous sommes responsables des rejets de gaz à effet de serre qui changent la composition de l'atmosphère, que le réchauffement est une réalité, que l'influence de l'homme sur la concentration en gaz à effet de serre affecte dès aujourd'hui le réchauffement de l'air, de l'eau, en surface, en profondeur, dans les océans, la fonte des glaces, la montée du niveau des mers, l'augmentation des vagues de chaleur ou des pluies torrentielles, je ne vois pas de publication qui propose d'autres explications. L'accord de Paris pour le climat est accepté. 13 décembre 2015. Il est 19h20 hier soir au Bourget. Le ministre français des Affaires étrangères et président de la COP21, Laurent Fabius, annonce dans une atmosphère euphorique que les 195 pays participants de cette conférence sur le climat viennent d'adopter, après 13 jours de négociations, l'accord de Paris. Un accord sans précédent destiné à lutter contre le réchauffement de la planète et à le maintenir en dessous de 2 degrés. Un accord jugé par ses auteurs comme contraignant puisqu'il engage les pays riches à verser à partir de 2020 une aide annuelle de 100 milliards de dollars aux pays en voie de développement, ce à quoi les États-Unis étaient franchement opposés. Il engage également les participants à se retrouver tous les 5 ans pour faire le point. On est aujourd'hui à 1 degré de réchauffement par rapport à la fin du 19e siècle, à la surface de la Terre. On a bien sûr une marge de manœuvre qui est importante. Et donc la question, ce n'est pas les 2 degrés. La question, c'est est-ce qu'on est capable de construire un développement qui soit inclusif pour tous, tout en faisant baisser le plus vite possible les rejets de gaz à effet de serre mondiaux. C'est est-ce qu'on est capable d'avoir, par exemple, une alimentation qui ne rejette pas de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on peut se déplacer autrement? Est-ce qu'on peut aider les pays du Sud qui ont une urbanisation galopante aujourd'hui par les solutions technologiques que nous maîtrisons à avoir des solutions de transport qui évitent le seul recours à la voiture individuelle? Est-ce qu'on est capable d'avoir une électricité sobre en carbone? Oui, on en est capable. Il y a un ensemble de solutions possibles, différentes. On voit aujourd'hui une révolution, par exemple, sur le prix des énergies renouvelables, solaires, éoliennes, une révolution sur les capacités des batteries. On est probablement au bord d'une révolution dans les transports avec les véhicules électriques, que ce soit les véhicules individuels, mais aussi le transport de marchandises. On a également tout l'enjeu sur les bâtiments. Faire des bâtiments qui n'ont besoin ni de refroidissement, ni de chauffage, qui consomment des énergies fossiles. Tous les secteurs d'activité sont concernés par rapport à cet enjeu pour parvenir à stabiliser le réchauffement climatique et éviter des conséquences potentiellement très graves. Moi, je vois aussi une prise de conscience qui est formidable, en particulier chez les jeunes générations, qui cherchent à apporter des solutions très vite, en fait, et à donner sens à leur parcours professionnel, en ayant des métiers qui permettent d'apporter des solutions et non pas de contribuer aux problèmes. Marvin Gaye, en 1971, interprétait Mercy, Mercy Me, The Ecology. Whoa, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be now, now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are alive. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand that? Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Le changement climatique nous inquiète, les conséquences annoncées nous effraient. Pour Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, on peut encore agir, il n'est pas trop tard. Donc on a en fait un foisonnement de connaissances nouvelles. Je voudrais en souligner deux qui sont particulièrement importantes pour le climat. Le suivi par satellite, qui révolutionne l'observation de la Terre, qui est vital pour comprendre les processus, par exemple, qui relient évolution du climat, nuages, circulation atmosphérique et les conséquences pour les précipitations. Le deuxième, c'est l'observation des océans en surface et en profondeur. On a une révolution qui est un peu invisible, qui tient à la mise en place d'une grande flotte d'instruments semi-automatiques, qu'on appelle le programme Argo, qui permet de mesurer la température, la salinité et d'autres caractéristiques des masses d'eau en profondeur, jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et ça nous permet de suivre précisément comment le réchauffement se traduit par une accumulation de chaleur en profondeur dans les océans, comment ce réchauffement des océans va contribue déjà à la montée du niveau des mers, et donc à boucler le grand bilan d'énergie du fonctionnement du climat planétaire. Il y a également toute une dimension qui est sur le lien, l'articulation entre différentes disciplines scientifiques. Donc là, j'ai mis l'accent sur la partie plutôt physique du climat. Mais il y a des enjeux extrêmement importants à bien articuler les connaissances qu'on a, par exemple avec les sciences sociales. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage entre parfois la perception qu'on a du changement climatique et la volonté d'agir. Les sciences sociales, elles sont importantes aussi parce que la réponse au risque du changement climatique, ce n'est pas une réponse purement, je dirais, de gouvernance ou technique de solutions qui vont être mises à disposition. Il y a un vrai besoin d'innovation sociale. Il faut regarder ces options de réponse avec l'angle climat, mais aussi l'angle conservation de la biodiversité et l'angle du développement durable, avec en premier lieu lutter contre la pauvreté et lutter contre la faim. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très clairement inscrit dans le calendrier de travail du GIEC actuellement pour ce sixième cycle, parce que nous préparons trois rapports spéciaux. Celui qui va être soumis pour approbation au gouvernement en octobre prochain, c'est celui qui porte sur 1,5 degré de réchauffement, avec l'idée de regarder pour 1,5 degré de plus qu'aujourd'hui, qui sera le plus exposé aux conséquences du changement climatique et comment réduire ses vulnérabilités pour 1,5 degré de plus qu'aujourd'hui. Je ne peux pas préempter les conséquences du rapport qui n'est pas finalisé. Ce que je peux juste mentionner, c'est certaines publications scientifiques qui montrent en particulier une forte diminution des ressources en eau sur le pourtour méditerranéen, des conséquences plus importantes autour de l'Arctique, parce qu'on a une amplification du réchauffement climatique autour du pôle Nord. On peut également mentionner pour 1,5 degré de plus une montée du niveau des mers qui se poursuit inéluctablement et qui va affecter le plus directement les populations qui vivent à proximité immédiate du littoral. Est-ce que le réchauffement climatique va amplifier les phénomènes météo ? Alors on observe déjà, dans un climat plus chaud, une augmentation très forte de l'intensité, la fréquence et la durée des vagues de chaleur. On observe également dans certaines régions une augmentation de l'intensité des pluies torrentielles. Il faut bien comprendre que pour 1 degré de plus, l'air peut transporter 7% d'humidité en plus en moyenne. Ce qui veut dire que la même tempête aujourd'hui, qu'il y a une cinquantaine d'années, peut donner lieu à des quantités de précipitations plus importantes. Pour l'ouragan Harvey aux États-Unis, qui a causé des pluies diluviennes du côté de Houston au Texas, il y a 3 études américaines cette année qui montrent que le cumul de pluie de cet événement a probablement été augmenté sous l'effet de nos rejets de gaz à effet de serre et ses conséquences sur des mers plus chaudes, une évaporation plus intense. Elle montre aussi qu'il faut s'attendre à un renforcement de la fréquence et de l'intensité de ce type d'événement à l'avenir si on continue à augmenter les rejets de gaz à effet de serre. Sur l'intensité des canicules, en particulier sur les continents de l'hémisphère nord, le dernier rapport du GIEC a conclu très clairement qu'il y a déjà là une des conséquences de nos rejets de gaz à effet de serre. Donc des canicules plus fréquentes, plus intenses et plus longues. Et c'est quelque chose dont on s'attend à ce que cela se renforce, très nettement, même pour un demi degré de plus, avec parfois des effets amplificateurs locaux. Donc l'effet des canicules, il est renforcé dans les villes. Il est renforcé par l'imperméabilisation des surfaces, par la nature même des villes. Une étude récente a montré que les villes européennes sont particulièrement exposées, en particulier dans le sud de l'Europe, au risque direct de l'intensification de ces canicules. Les conséquences les plus importantes du changement climatique, on commence à les voir aujourd'hui, mais on les verra de plus en plus à l'avenir. Et donc pour moi, ça pose vraiment la question de la place qu'on accorde à la jeunesse et aux projections qu'on est capable de faire sur le futur. Alors, j'ai participé récemment avec des collègues qui travaillent comme moi sur l'Antarctique à une réflexion sur qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans. Et on a essayé d'écrire un article scientifique qui soit pas un article scientifique, mais qui soit une sorte de récit de science-fiction où on part de 2068 et on se dit comment on est arrivé là. Et on a 2 scénarios possibles, en fait, un peu contrastés. Le premier qui est de se dire on a réussi les objectifs du développement durable en 2030. On a réussi à mettre en place la maîtrise des rejets de gaz à effet de serre qui était impliquée par l'accord de Paris. On a un développement qui a permis de sortir beaucoup d'habitants de cette planète de la pauvreté. On a adapté nos modes alimentaires pour limiter la pression sur les milieux maritimes, par exemple sur l'océan Austral. On a un tourisme responsable et on a un climat antarctique, une faune, une flore antarctique qui est relativement inchangée. Et puis l'autre scénario, c'est... finalement, les pressions au développement, l'urgence du court terme a pris le pas sur l'alerte que les scientifiques ont lancée. La pression pour les ressources s'est accentuée. On a continué à rejeter toujours plus de gaz à effet de serre parce que finalement, c'était plus facile d'utiliser le charbon que de développer des solutions innovantes. On a continué à manger toujours plus de protéines animales, de poissons, de viande. On a exploité de plus en plus l'océan Austral. Et puis, le climat a continué à se réchauffer de plus en plus vite. On commence à voir certains glaciers de l'Antarctique qui s'écoulent de plus en plus rapidement, qui vont contribuer à la montée du niveau des mers pendant plusieurs siècles à plusieurs milliers d'années. Et on voit en fait un monde de plus en plus inégalitaire, de plus en plus violent, puisqu'il y a des pressions de plus en plus fortes sur les ressources. Voilà, et donc c'est un travail qu'on essaye de faire pour se dire comment on est arrivé en 2068 pour l'Antarctique, qui apparaît très loin de nous aujourd'hui, à des situations si différentes. On est à la croisée des chemins, parce qu'on a des leviers d'action qui sont possibles. On a des leviers d'action qu'on peut actionner dès aujourd'hui, et puis par un effort de recherche, de développement, on peut construire les solutions pour les prochains 10 ans, 20 ans, 30 ans, à condition de coopérer, à condition d'être acteur de cette transformation, et à condition que la volonté de transformation ne soit pas freinée par tous les conservatismes. Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherche au CEA, travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et ce laboratoire est pourvu d'un site internet passionnant. Les aventuriers sont en podcast. Cette émission, bien sûr, les émissions passées, mais aussi les émissions à venir. Vous nous trouverez sur le site de France Inter. Les aventuriers se déclinent aussi en livres. Les grandes épopées qui ont fait la science sont éditées chez Flammarion en partenariat avec France Inter. Vous vous y retrouverez entre autres Valérie Masson-Delmotte. Clément Baudet réalise Les Saventuriers, Irène Menahem a préparé cette émission, à la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son, Nicolas Slimani et Pierre Faucillon, au mixage Benjamin Orgeret, et merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. On se retrouve la semaine prochaine avec deux univers que peu fréquentent, les abysses que nous racontera Marianne Cambon et les pôles où nous emmènera Jean-Louis Etienne.